Nick Carter, deux gouttes de sang. Chapitre 1er, une disparition. 10 000 $ de récompense. Mr. Henry Powell de New York, demeurant 234 7e avenue, a disparu dans la nuit d'avant-hier de son domicile dans des conditions énigmatiques. On croit qu'il a été victime d'un attentat criminel. Miss Powell, la sœur du disparu, offre une récompense de 10 000 $ à celui qui retrouvera Mr. Powell, mort ou vif. Signalement du disparu, âge 38 ans, très régulier, teint pâle, fine moustache brune, taille 1 m 69, costume complet bleu marine, faux col rabattu, large régate noire, souliers marron, guêtres marron. Le disparu portait à la main droite deux bagues, l'une ornée d'un gros diamant ovale, l'autre d'un rubis. Il avait en outre sa montre en or, ornée de brillants avec sa chaîne. New York, 18 septembre. Le célèbre détective Nick Carter, qui parcourait dans son bureau les journaux du matin, venait de lire cette annonce. Il appela Chick, son cousin et premier aide. « Qu'en dis-tu ? » lui demanda-t-il en lui montrant l'insertion. Click parcourut les quelques lignes de l'annonce et déclara. « On pourrait toujours essayer de gagner ces 10 000 $. As-tu l'intention de t'occuper de l'affaire ?» Nick haussa les épaules. « Ma foi, non. » Miss Powell a commis là une grosse faute. Son annonce va attirer une foule de gens, de détectives, expérimentés ou non, d'aventuriers ou de dilettantes gonflés de fatuité, qui se flatteront de résoudre l'énigme et d'empocher la prime. Il est clair que cela compliquerait singulièrement notre tâche. Si nous voulons intervenir, impossible de découvrir un indice dans ces conditions. Les gens qui défilent déjà sans doute dans la maison de Sir Henry Powell et la visite de fond en comble auront bientôt fait disparaître toutes les traces. » Le grand détective achevait ces mots quand la sonnette de l'entrée tinta. Quelques secondes plus tard, Joseph, le fidèle factotum de Nick Carter, venait annoncer la visite du chef de la sûreté new-yorkaise, George McCluskey. Nick Carter fit aussitôt introduire l'inspecteur qui était son ami intime. « Tu as l'air préoccupé, » lui dit-il, après l'avoir invité à s'asseoir. Je parie que tu viens encore me demander d'intervenir dans une enquête que tes agents sont incapables de mener à bien. Tu as deviné. Tu as certainement entendu parler déjà de la disparition sensationnelle de Mr. Powell. En effet, répliqua froidement Nick. Ne trouves-tu pas que c'est une affaire pour toi ? Non. Cette réponse laconique déconcerta l'inspecteur. L'attitude du célèbre détective l'étonnait. L'agitation qu'il avait manifestée dès son arrivée semblait croître. « Mais voyons, Nick, je ne te comprends pas, » exclama-t-il nerveusement. « Je suis venu précisément pour te prier de te charger de cette affaire. Je fonde le plus grand espoir sur ton intervention. »« Je le regrette beaucoup, mon cher George, mais je me vois forcé de refuser, quitte à te causer une déception. » McCluskey considérait son ami avec ébahissement. « Donne-moi une raison. Je sais bien que les questions d'argent ne te touchent guère, mais enfin, il y a 10 000 $ à gagner. » Voilà précisément ce qui m'arrête, répliqua Nick. Crois-tu que j'ai envie de me mettre en ligne avec un tas d'imbéciles que l'offre de ces 10 000 $ va attirer comme le miel attire les mouches? Pourquoi n'es-tu pas venu tout de suite me trouver au lieu de faire passer cette annonce dans le journal? Pour une fois, mon cher, permets-moi de te dire que tu as pensé un peu tardivement à moi. À présent qu'une armée de gens s'est déjà mise en campagne pour essayer de gagner la prime, tu t'avises tout à coup qu'il existe un Nick Carter. En vérité, je te remercie de ta confiance, mais je n'irai pas me fourrer dans cette pétaudière. » McCluskey montrait de l'embarras. Les reproches de son ami lui étaient d'autant plus sensibles qu'il en reconnaissait la justesse. « Je ne peux pas te donner tort, mon cher Nick, » dit-il. « Crois bien aussi que si Miss Ellen Powell, la sœur du disparu, m'avait averti assez tôt de son intention, je me serais forcé de la dissuader de publier cette annonce. Dès que je l'ai su, j'ai pris des mesures énergiques pour parer au danger que tu me signales. J'ai conseillé instamment à Miss Powell de décliner toutes les offres qui lui sont faites, mais en revanche, je me suis engagé à lui obtenir ton concours. Je te supplie donc de ne pas m'opposer un refus qui me ferait manquer ma promesse. Aie pitié de cette pauvre jeune fille, elle a une profonde affection pour son père. L'incertitude, quant au sort de ce dernier, la plonge dans le désespoir. » Nick Carter s'était levé pensif et arpentait la pièce en silence. Au bout d'un moment, il demanda. « Alors jusqu'ici, aucun détective, professionnel ou amateur, n'a mis le pied dans la maison de Powell. »« Non, » repartit McCluskey, « on n'en a pas laissé entrer un seul. Tu peux être sans inquiétude, les traces ne sont pas brouillées. Je suis allé moi-même hier soir à l'hôtel de Powell et j'ai procédé à une inspection rapide des lieux. Mais à part moi, Miss Powell et quelques domestiques, personne n'a pénétré dans les appartements du disparu. Et ton inspection rapide, t'a-t-elle appris quelque chose d'intéressant ? Peut-être, mais si tu le veux bien, je vais te mettre au courant de tout ce que je sais. Mr. Henry Powell, dont la fortune se monte à plusieurs millions de dollars, était, par exception, rentré de très bonne heure de son club avant-hier soir. À la surprise des domestiques, il était déjà chez lui à 11 heures. James, son valet de chambre, m'a déclaré que son maître était resté quelques minutes au fumoir, puis était passé dans sa chambre pour se coucher. James l'aida à se déshabiller, pendit les effets de son maître dans la petite garde-robe attenante à la chambre et apporta encore un livre qu'il déposa sur la table de nuit. Henry Powell a en effet l'habitude de lire tous les soirs une demi-heure ou une heure avant de s'endormir. Le domestique alla lui-même se coucher et personne dans la maison n'entendit de bruit suspect jusqu'au matin. Le lendemain, c'est-à-dire hier à 9 heures, James pénétra, suivant son habitude, dans la chambre de son maître pour le réveiller. Il trouva le lit inoccupé. Les oreillers froissés, les couvertures défaites, prouvaient que Henry Powell s'était bien couché. Mais il avait disparu après avoir mis le même complet qu'il portait au club la veille au soir. Les vêtements n'étaient plus dans la garde-robe. Powell devait avoir pris aussi les souliers marrons dont il est question dans l'annonce et un feutre mou car on ne les retrouva pas non plus. James, le valet de chambre, était naturellement stupéfait, car c'était la première fois que pareille chose se produisait, depuis qu'il était dans la maison. Powell est un homme pondéré, qui mène une existence très régulière et ne déroge jamais à ses habitudes. Cela semblait donc d'autant plus étrange et incompréhensible que le millionnaire eût quitté secrètement sa maison pendant la nuit. Il est d'ailleurs très nonchalant et ne s'habille jamais sans requérir l'aide de son valet de chambre. Miss Ellen Powell, que James avertit aussitôt, fut elle-même très étonnée. Elle ne s'alarma pourtant pas au début. Elle supposa qu'une affaire importante avait obligé son frère à sortir de très bonne heure avant que le personnel de la maison fût réveillé. D'autant plus que rien, ni dans la chambre à coucher, ni dans les pièces voisines, n'indiquait que des malfaiteurs se fussent introduits dans la maison ou que le millionnaire eût été l'objet de quelques violences. Vers 11 heures du matin, elle se décida à envoyer des domestiques au club et chez ses connaissances, partout où son frère avait pu aller. Les gens revinrent sans rapporter de nouvelles de Mr. Powell. Miss Ellen télégraphia aussi à différentes localités où le disparu avait pu être appelé par ses affaires, mais elle reçut de partout des réponses négatives. Alors, prise d'une anxiété folle, elle envoya aux journaux cette annonce que tu as lue, puis songea à s'adresser à la police régulière. Comme je te le disais tout à l'heure, j'étais hier soir à l'hôtel particulier des Powell. J'ai procédé à l'examen rapide des lieux, en particulier de la chambre à coucher. Nick Carter avait suivi attentivement les explications du chef de la sûreté. Comme ce dernier se taisait, il demanda. « As-tu découvert quelque chose ?»« Oui, j'ai fait 2 constatations. D'abord, j'ai trouvé sous la table, au milieu de la chambre, les débris d'un verre cassé. La table est posée sur un tapis de couleur claire et recouverte d'une nappe blanche. » Et voici le plus étrange, Nick. Sur cette nappe, j'ai remarqué une tache de sang au bord de la table. Il y en a une autre par terre, sur le tapis, près du verre cassé. Je ne m'explique pas du tout comment ces taches ont pu être faites. Si Mr. Powell avait été assassiné, on devrait trouver plus de sang. 2 gouttes seulement, c'est bizarre. Je ne vois pas bien ce que cela peut vouloir dire. Nick Carter avait un sourire étrange. Ainsi, les indices se réduisent à 2 gouttes de sang et un verre cassé, dit-il avec une nuance d'ironie. C'est peu ou beaucoup, cela dépend. Quand on y réfléchit bien, la solution du mystère est peut-être plus facile à saisir qu'on ne se l'imagine. Après ce que tu viens de me dire, mon cher George, je ne veux plus te refuser de me charger de l'affaire, mais je t'avertis que je veux avoir les mains libres et n'être dérangé dans mon enquête par qui que ce soit. Si quelqu'un se présente au vu de l'annonce de Miss Ellen Powell, qu'on ne l'autorise pas à intervenir, cela pourrait tout gâter. Nous avons affaire, selon toute apparence, à de très dangereux criminels, et il est indispensable d'observer dès le début des précautions sévères. L'inspecteur était ravi d'avoir obtenu enfin le consentement du grand détective. Il remercia Nick et ajouta. Il ressort de ce que tu viens de dire que tu t'es déjà formé une opinion sur la disparition de Powell. Tu n'es pas encore allé sur les lieux et pourtant tu déclares avec assurance que nous avons affaire à de très dangereux criminels. Un sourire significatif reparut sur les lèvres de Nick Carter. Je ne peux ni ne veux rien dire pour le moment sur ce sujet, George. Allons à l'hôtel de Powell. Je veux procéder à mon tour à l'inspection des lieux. » Nick Carter, son cousin Chick et le chef de la sûreté quittèrent ensemble l'hôtel particulier du grand détective à Madison Avenue et se rendirent à l'adresse du millionnaire 234 7e Avenue. Avant de sortir, le maître avait donné ses instructions à Patsy, son second aide, pour qu'il s'occupât en son absence des affaires courantes. Quand les trois policiers arrivèrent devant la maison de Powell, ils trouvèrent le trottoir encombré par un nombreux rassemblement. L'annonce de la prime offerte par Miss Ellen Powell avait attiré beaucoup de curieux. Deux robustes policemen étaient postés à la porte de l'hôtel et en interdisaient rigoureusement l'accès. Ils avaient déjà renvoyé une foule de gens qui demandaient entrée pour inspecter les lieux et chercher des indices. Il y en avait tant qui se prenaient en effet pour des génies ignorés et croyaient déjà avoir les $10,000 dans la poche. L'inspecteur et les deux détectives pénétrèrent naturellement sans obstacle dans l'hôtel et furent introduits immédiatement auprès de Miss Ellen Powell. Celle-ci était une femme élancée, fine et d'une grande beauté. On lisait sur sa figure pâlie les traces du chagrin que lui causait la disparition de son frère. McCluskey fit les présentations et sans attendre que Nick Carter eût pris la parole, Miss Powell dit aussitôt « J'ai commis une grande maladresse en faisant passer mon annonce dans les journaux de ce matin. Mr. McCluskey me l'a fait comprendre et je vois à présent moi-même à quels ennuis je me suis exposé. Depuis plusieurs heures, ma porte est assiégée par une foule de gens qu'on a toutes les peines du monde à évincer. J'ai déjà reçu une quantité innombrable de lettres et de télégrammes de personnes qui me font des offres ou me demandent des renseignements. La sonnerie du téléphone a tinté toute la matinée, si bien que j'ai fini par la faire décrocher. Dans mon premier affolement, Mr. Carter, je n'ai pas songé à vous. Je vous prie cordialement de m'en excuser. » Nick Carter inclina gravement la tête. « Oui, Miss Powell, vous avez commis là une grosse faute, » déclara-t-il franchement. Je n'ai d'ailleurs accepté de me charger de l'enquête que sur les instances de M. McCluskey, et seulement à certaines conditions. Je ne l'aurais certainement pas fait si des gens inexpérimentés étaient déjà venus perquisitionner maladroitement dans l'appartement de votre frère. Je voudrais à présent vous adresser différentes questions. Je vous prie de me répondre avec le plus de précision possible. Je connais déjà les grandes lignes de l'affaire par M. McCluskey, mais je désire me renseigner encore sur quelques détails qui demeurent confus dans mon esprit. « Questionnez tout à votre aise, Monsieur Carter, » répliqua Hélène. « Je vous répondrai de mon mieux et vous dirai tout ce que je sais. » « Comment s'appelle le club où votre frère a été avant-hier soir ?»« C'est le Tennis Club Victoria, dont il est membre depuis plus de 10 ans. »« Ce club est-il bien composé ? En connaissez-vous les membres ?»« Oui, j'en fais partie moi-même et j'y connais tout le monde. » Ils sont composés de gens de la meilleure société. Et si vous étiez tenté de porter vos soupçons dans cette direction, je m'empresse de vous déclarer que vous faites fausse route. Un nouveau membre a-t-il été admis récemment dans ce club ? Insista Nick, sans se laisser influencer par cette réflexion. Ellen Powell réfléchit un moment et répondit « Non ». Avez-vous remarqué dans ces derniers temps que le caractère de l'un des membres du club se soit altéré ? L'un des gentlemen ne s'est-il pas montré nerveux, morose, mélancolique? Ma foi, je ne saurais vous le dire. Les membres du club sont si nombreux que je ne peux pas faire attention à chacun en particulier. Il se peut que certains se soient montrés déprimés dans ces derniers temps et que je ne l'ai pas remarqué. Je ne rencontre d'ailleurs les messieurs qu'aux parties de tennis, tandis que mon frère va fréquemment au club le soir. Vous rappelez-vous si votre frère a fait récemment une connaissance particulière, a noué une amitié? Je ne le crois pas. Il m'en aurait sûrement parlé. Nous n'avons pas de secret l'un pour l'autre, mon frère et moi. S'il avait noué une connaissance qui lui parut intéressante, il n'aurait pas manqué de me le faire savoir et de me demander mon avis. Nick Carter se leva. C'est bien. Je ne vois pas d'autres questions à vous poser pour l'instant, Miss Powell. Nous allons passer dans la chambre de votre frère et nous verrons si je puis faire des constatations intéressantes. La chambre du millionnaire, somptueusement aménagée, était restée exactement dans l'état où James, le domestique, l'avait trouvée le matin quand il s'était aperçu de la disparition de Powell. Nick Carter procéda d'abord à l'inspection minutieuse du lit. Il n'y put rien découvrir de particulier. Alors il examina le parquet et le tapis. Il remarqua, près de la table, sur le fond clair du tapis, la petite tache de sang que l'inspecteur McCluskey lui avait signalée. Il la considéra longuement, comme celle qui se trouvait sur la nappe blanche au bord de la table. L'inspecteur Ritchie avait regardé en silence le grand détective procéder à ses investigations en évitant de faire la moindre réflexion qui aurait pu le troubler. Du moment qu'il y a des gouttes de sang, dit enfin Nick, j'en conclus qu'il y a sûrement une blessure. À moins, Miss Helen, que votre frère ne soit sujet à des saignements de nez. Une émotion aurait pu lui en causer un. C'est inadmissible, repartit la sœur du disparu. Autant que je m'en souvienne, jamais Henry n'a eu de saignement de nez. Alors il faudrait que ce fût l'un des visiteurs nocturnes qui eût saigné du nez, déclara tranquillement le détective. Mon Dieu, il est venu des gens ici. Assurément, répliqua Nick. Je ne peux pas en indiquer le nombre exact, mais ils étaient au moins trois. Par le diable, Nick, à quoi vois-tu ça? Exclama McCluskey, stupéfait. Jake lui-même était étonné. Le grand détective repartit en souriant. C'est d'une simplicité enfantine. Il montra une porte masquée par une lourde tenture au fond de la pièce, dans un angle. Cette porte-là ne sert sans doute pas d'ordinaire. On la tient depuis longtemps toujours fermée à clé, n'est-ce pas, Miss Helen? En effet, mais comment le savez-vous, Monsieur Carter? Je ne l'ai pourtant pas dit. Le domestique ou la femme de chambre qui fait habituellement cette pièce est un peu négligent. Il s'est toujours dispensé de balayer la poussière sur le seuil derrière la tenture. Il croyait certainement que personne ne s'en apercevrait. Comme on ne passe pas par là habituellement, il n'avait pas tout à fait tort. Cette couche de poussière m'a permis de conclure que la porte ne servait pas et qu'on devait toujours la tenir fermée à clé. Or, j'ai découvert sur la poussière des traces de pas très nettes. J'ai tiré de là mes conclusions et acquis la certitude que plusieurs hommes avaient franchi le seuil de cette porte. Les auditeurs ne disaient rien. Ils reconnaissaient que, grâce à son étonnante perspicacité, le célèbre détective avait découvert la vérité. McCluskey écarta en silence la portière et, en examinant le parquet avec attention, découvrit également les empreintes. Celles-ci étaient si effacées, si indistinctes, qu'un détective habile pouvait seul en tirer parti et en conclure que plusieurs hommes avaient passé le seuil. « Mais c'est tout à fait invraisemblable, » s'écria Miss Helen. « Nous n'avons plus depuis longtemps de clé pour ouvrir cette porte, et mon frère, j'en suis persuadé, n'en avait pas non plus. Il n'est donc pas possible d'admettre qu'il est introduit par l'un des gens qui auraient frappé à la porte. » « De toute façon, Miss Powell, une pareille hypothèse ne serait pas admissible. » Comment votre frère aurait-il commis l'imprudence d'introduire chez lui, la nuit, des gens qui auraient frappé à cette porte, même s'il en avait possédé la clé? Voulez-vous me dire, s'il vous plaît, où l'on va par là? C'est la porte d'un petit cabinet noir, vide actuellement et qui servait autrefois de garde-robe. Y a-t-il une autre porte pour sortir de ce cabinet? Demanda Nick Carter. Oui, monsieur. Où conduit-elle? Dans le petit vestibule du fond, par lequel on sort dans le jardin. Vous le voyez donc? Il n'était pas difficile de s'introduire dans la maison pour des cambrioleurs expérimentés. C'est un jeu de crocheter les serrures de ces portes. Une fois dans le jardin, les malfaiteurs n'ont pour ainsi dire plus rencontré d'obstacles. Je poursuivrai tout à l'heure mes investigations dans le petit cabinet noir, où la couche de poussière qui recouvre le parquet doit être plus épaisse qu'ici, et j'espère y découvrir des traces plus nettes. Nick Carter retourna à la table, au milieu de la chambre, se pencha, et ramassa les débris du verre cassé. Il le regarda par transparence, les examina à la loupe et inclina la tête de satisfaction. « Mes présomptions se confirment, » déclara-t-il avec calme. McCluskey prit à son tour les débris de verre, se fit donner la loupe et examina les morceaux en hochant la tête. Nick se pencha sur son épaule. « Tu remarques, n'est-ce pas, des traces légères sur le fond du verre cassé ?» Le chef de la sûreté fit un signe affirmatif. En effet, on dirait qu'on a versé de l'eau pure dans ce verre et qu'on a laissé les dernières gouttes s'y dessécher. C'est de l'eau de cette carafe qu'on a versée dans le verre, dit le grand détective en montrant la carafe posée sur la table. Vous voyez qu'il en manque à peu près la valeur d'un verre plein. Mais les impuretés, dont on distingue encore des traces minuscules sur le fond, ont été ajoutées plus tard dans l'eau. Et ce sont des impuretés d'une nature toute particulière. Ces fines traces à peine visibles sur le verre sont du sang. L'inspecteur laissa échapper une exclamation de surprise. Cheek et Miss Powell étaient aussi très frappés de cette révélation. Ils demandèrent comment l'eau avait pu être souillée de sang. « Je ne peux pas encore m'exprimer sur ce point, » répliqua Nick. « Mon opinion n'est pas fixée. Je vous prierai à présent de m'attendre ici tandis que je procéderai à l'inspection du petit cabinet noir. » Le maître tira de sa poche un petit trousseau de rossignol et après une minute de travail, il ouvrit la serrure de la porte masquée par une tenture. Une obscurité profonde régnait dans le réduit carré où il pénétra. Ce cabinet n'avait pas de fenêtre. C'était tout juste si, quand on écartait la tenture, une faible clarté pénétrait de la chambre à coucher. À la lueur de sa lanterne électrique de poche, Nick Carter examina le parquet. Cette inspection ne fit que confirmer ses prévisions. Une épaisse couche de poussière recouvrait le linoléum dont le plancher de ce réduit était garni, et l'on distinguait très nettement les traces de pas de plusieurs hommes. Le détective passa une demi-heure dans le cabinet, puis en ressortit, la mine satisfaite, et rejoignit les autres dans la chambre du millionnaire disparu. « Trois hommes se sont introduits ici, » déclara-t-il. « Deux d'entre eux avaient adapté des semelles de feutre à leurs bottines. Le troisième portait des souliers de tennis dont les semelles présentent cette particularité que la droite est un peu plus large que la gauche. L'homme ainsi chaussé doit donc avoir le pied droit plus fort que l'autre. Cette circonstance présente un grand intérêt pour nous et peut me faire découvrir les gens qui sont responsables de la disparition de M. Powell. J'ai pris la mesure exacte des empreintes. » Il se tourna vers la sœur du millionnaire. « J'ai terminé mon inspection, Miss Allen. Je vous demanderai seulement encore de m'accorder une minute d'entretien en particulier. » La jeune fille inclina la tête et précéda le grand policier dans une pièce voisine. « Avez-vous avec votre frère un autre proche parent, Miss Powell ?»« Oui, j'ai un autre frère à Saint-Louis. »« Bon, cela suffit. Lui avez-vous communiqué la nouvelle de la disparition de Mr. Henry Powell ?»« Naturellement. » »« Je lui ai d'abord télégraphié, puis je lui ai envoyé des détails par lettre. » « Croyez-vous qu'il vienne à New York ?» La jeune fille secoua vivement la tête. « Non, mon frère Edward dirige à Saint-Louis une grande maison de commerce qui réclame toute son activité. C'est d'ailleurs un Américain flegmatique, un homme d'affaires qui ne se laisse pas démonter facilement. Il m'a télégraphié quelques mots de regret à propos de la disparition de notre frère, mais il m'exprime en même temps l'assurance que Henry ne tardera pas à revenir. Il m'engage à ne pas me tourmenter. » Avez-vous ici une photographie de Mr. Edward Powell ? Certainement. Miss Allen alla prendre une photographie dans un secrétaire et la tendit au détective. Ce portrait était celui d'un homme de 40 à 45 ans, aux traits énergiques, aux sourcils épais, au visage encadré de longs favoris bruns. Edward Powell est-il connu à New York et particulièrement au Tennis Club Victoria ? Très superficiellement. Il est venu une fois chez nous pour quelques heures, est allé le soir au club avec Henry, et comme on devait s'y attendre, s'y est mortellement ennuyé. Il n'y a lié réellement connaissance avec personne. « Très bien, » dit le détective en mettant la photographie dans sa poche. « Miss Powell, attendez-vous à recevoir demain la visite de votre frère Edward ?»« Comment, Mr. Carter ?»« Je ne vous comprends pas. Edward ne songe pas à venir à New York. Je me présenterai ici, sous les traits d'Edward Powell. Vous prierez de me conduire demain soir au tennis club. Vous pouvez dire partout que je suis accouru de Saint-Louis en apprenant la disparition de mon frère. Notre présence au club demain soir s'expliquera par le désir de recueillir des renseignements auprès des amis de Henry Powell. » Helen, surpris par la proposition du grand détective, hésita d'abord mais finit par donner son assentiment. Une minute plus tard, Nick Carter avait pris congé d'elle et quittait la maison avec son cousin et le chef de la sûreté. Il y avait toujours un grand rassemblement devant l'hôtel et les policiers eurent quelque peine à se frayer un chemin à travers la foule.